écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons ce 240e épisode le 31 août 2021. OnlyFans, le Patreon coquin, a affronté une controverse que l'on va vous partager, ce qui initiera une première rubrique axée sur les difficultés en matière de communication dans la tech, quelques faits marquants de l'actualité de ces dernières semaines. Nous parlerons aussi d'Apple qui mérite d'être pointé du doigt sur sa gestion de la vie privée de ses collaborateurs, vous allez voir, ils n'appliquent pas forcément la même démarche qu'à leurs clients. On parlera aussi de plein de choses, hein, comme Tesla, le fameux niveau ultime de pilotage automatique sur lequel il y a encore matière à dire, mais aussi sur la nouvelle lubie d'Elon Musk de proposer des robots humanoïdes. Humanoïdes, c'est important de le préciser, vous verrez. Nous parlerons aussi des conférences Hot Chips qui se sont déroulées du 22 au 24 août. Alors comment va l'actualité des processeurs en pleine crise des composants? On le verra ensemble. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui est à l'actu tech, ce que Charlton Heston est à la planète des singes. Auteur, dois-je vous le rappeler, du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Pogjaspala. Salut Guillaume. Exactement, voilà, pareil, un mec en slip, qui, en étant un mec en slibard, un petit peu paumé. Oui, dans le courant du film, oui, le pauvre. Il commence bien, et puis oui, il est un peu plus dévêtu après, mais on sent qu'il affronte quand même un monde très compliqué, comme tu dois le faire pour nous décrypter l'actu tech, Guillaume. Ça n'a pas échappé d'ailleurs à... Alors, figure-toi qu'il y a deux personnes qui ont déposé un avis Apple Podcast, deux personnes différentes, mais qui ont déposé exactement le même avis sur Apple Podcast. Donc, soit c'est une personne qui a déposé deux fois son avis avec deux pseudos différents, soit c'est vraiment un hasard complètement incroyable. Il a dit, en tout cas, ou ils ont dit, « Je vous écoute depuis seulement quelques jours et je suis déjà fan, seul bémol, si vous pouvez ajuster le volume des voix de chacun, car les différences pas toujours agréables à devoir gérer en cours de lecture, continue ainsi. » On va continuer à bosser sur le sujet. Je pense qu'on a déjà bien avancé sur le nivellement des voix, l'uniformité des sons. On va continuer, dites-le nous. Et puis surtout, vous avez été nombreux là cet été, ces dernières semaines, à venir vous inscrire pour devenir plus qu'un auditeur et soutenir Tech Café sur Patreon. Alors un énorme merci à Bruno Autret, JDL, Nico Naz, Alexandre Membré, Malobra, Paolo Ribera da Silva, merci beaucoup. Mais je suis en train de me dire, Guillaume, peut-être que certains qui nous écoutent ne savent pas ce qu'est Patreon. Tu crois que c'est possible? Je sais pas, mais peut-être qu'il faudra aller sur OnlyFans. Il faudra peut-être s'ouvrir un compte sur OnlyFans, mais tant qu'on n'a pas créé notre compte sur OnlyFans, il vaudrait mieux aller sur Patreon quand même. C'est une plateforme qui permet de financer des activités récurrentes, comme par exemple, vous l'avez deviné, un podcast. C'est grâce à ce site que vous pouvez en quelques clics donner ce que vous voulez pour le podcast à partir du prix d'un café. Vous débloquez des avantages et vous soutenez notre travail. Vous pouvez accéder aux notes des émissions avant les enregistrements, bénéficier du chapitrage et des épisodes sans la pub grâce à un flux privé. Et donc, pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Vous saurez tout ce qu'il y a besoin de savoir à ce sujet. Ah oui, dernière chose aussi avant qu'on attaque nos news, je voudrais vous parler d'une app de podcast. Peut-être que vous en cherchez une, surtout que ces derniers temps là avec Apple Podcast qui bat des records pour être la pire app de podcast disponible sur mobile, vous cherchez des alternatives, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à l'app Tumult, T-U-M-U-L-T. C'est une équipe française qui développe cette application, ce service. J'échange d'ailleurs assez régulièrement avec eux, donc c'est aussi de l'amélioration continue qu'on peut leur suggérer. Et le gros avantage de cette application, c'est que vous pouvez réagir aux épisodes des podcasts auxquels vous êtes abonné à un endroit bien précis. Alors, si vous voulez discuter avec nous sur ce qu'on dit, réagir aux thèmes qu'on aborde au moment où on les aborde, vous pouvez installer et utiliser Tumult. En plus, l'application est gratuite, donc je pense que ça mérite d'aller y jeter un coup d'oreille. Sans autre forme de procès, on va se mettre donc à jour avec les actualités tech de l'été, ou en tout cas de ces dernières semaines, parce qu'effectivement, Guillaume, on a un gros morceau de l'actu qui est basé sur OnlyFans, donc qui est une plateforme comme Patreon, mais qui concerne les contenus pour le moins coquins, qui a eu des heures de gloire grâce notamment à la pandémie. Et Guillaume, il y a eu un petit souci de communication autour de ce service ces derniers jours. Ouais, enfin c'était le 20 août en fait, hein. il faisait chaud sur la côte et tout allait bien. Et soudain, cataclysme, OnlyFans annonce qu'ils vont virer tout le contenu porno. Alors au début tu rigoles, hein. Franchement tu te dis, mais je sais pas, c'est comme si Zara... Qu'est-ce qui va rester? C'est comme si Zara annonçait qu'il virait toutes les fringues de la boutique. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qui va rester, je sais pas. Pas grand-chose, hein. Puis tu réfléchis, c'est vrai que ça a pas de sens, le porno fait la fortune d'OnlyFans, donc pourquoi se tirer une balle dans le pied? Et en fait, on sait pas, alors peut-être que le CEO est devenu évangéliste, mais en fait non, parce que ça passerait encore. Apparemment, il y avait une meilleure raison, une raison bancaire. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de plus puissant que ça, hein, si tu y réfléchis. Si ta banque te vire, bah, c'est mauvais, surtout si, si c'est super galère pour en trouver une autre, quoi, tu vois. Et bon, Timothy Stokely, donc c'est le CEO d'OnlyFans, il a confié au Financial Times que 3 banques auraient lâché sa boîte. Donc il y aurait Bank of New York, Mellon, Metro et JP Morgan Chase. Alors, OnlyFans, c'est une plateforme anglaise qui n'est pas spécifiquement porno, à la base. Mais bon, évidemment, tout le monde le sait, elle a explosé avec ça hein, ces dernières années. La pandémie l'a pas mal aidé, parce que c'est vrai que les travailleurs du sexe ont migré en ligne pendant les confinements, et bien sûr, bah, par pure sécurité, hein, puisque voilà, c'est distanciation sociale au moins. Et du coup, c'est aujourd'hui 1,5 million de créateurs de contenu, 150 millions d'utilisateurs inscrits, pour 5 milliards de paiements chaque année aux créateurs. Alors c'est une bonne affaire, parce qu'OnlyFans prend une commission, bien sûr, qui est de 20%, il paraît. Bon, c'est un business rentable, tu te dis... Ça va, je suis super connu, et pourtant, ben, c'est pas forcément évident de trouver des banques, hein, parce que c'est pas. En fait, les banques qui veulent suivre dans le porno, ben, c'est pas très très courant, en fait, elles sont plutôt coincées de ce côté-là. Donc en général, les intermédiaires de paiement qui acceptent de travailler dans le secteur sont rares et beaucoup plus chers en fait que les plateformes traditionnelles. De toute façon, même si ta banque te suit, il faut aussi que Visa et Mastercard te suivent, sinon ben, voilà, les fans ne peuvent pas payer directement. Donc c'est une situation délicate, et pourtant le 25 août, ben OnlyFans a fait machine arrière, hein. Ses partenaires seraient finalement d'accord. Alors que s'est-il passé? Mystère. Peut-être qu'OnlyFans a réussi à convaincre les banques de sa bonne volonté, ou qu'il n'était pas spécifiquement un site porno. Peut-être que l'explication elle est tout autre, et concerne pas du tout Mastercard ou Bank of machin, puisque apparemment depuis juin, OnlyFans veut attirer de nouveaux investisseurs, pour porter sa valorisation à 1 milliard de dollars quand même. Et bon, certains le poussaient peut-être à virer le porno, et... Mais bon, devant le scandale, il y a peut-être qu'il y a renoncé. OnlyFans a communiqué uniquement en tweet laconique, donc bravo la transparence, hein, c'était de la com de merde, vraiment, et puis c'était vraiment de la com de merde, parce que ça concerne des millions de gens, hein, vraiment la vie quotidienne de millions de gens, de millions de créateurs et créatrices. Bon, écoute, mais c'est vrai que ça nous a fait prendre conscience aussi d'un truc tout con, hein, c'est qu'on touche un sujet qui est intéressant dans l'affaire finalement, et donc qui a été beaucoup discuté, c'est le potentiel censeur des banques, et aussi l'influence plus large auquel elles sont soumises. Parce que OnlyFans, comme Pornhub, bon, c'est pas tout blanc, tout propre, hein, il y a du contenu crade, hein, bon, on se souvient que Pornhub a récemment fait un gros ménage, on y en avait parlé, et la BBC, elle a fait un reportage hein, sur le relatif laxisme d'OnlyFans il y a moins d'un mois. Donc on peut comprendre que les intermédiaires soient un peu vigilants pour pas soutenir du contenu illégal. Donc Mastercard, c'est vrai, par exemple, demande pas mal de garanties. Des garanties qui sont pas forcément faciles à avoir, tu vois, sans trop empiéter sur la vie privée. Enfin, c'est toujours un peu délicat. Mais bon, tout ça semble légitime, mais ça s'arrête pas là, en fait. Parce qu'on parle de boîtes, de banques américaines. Et aux États-Unis, il y a des groupes religieux très actifs. Il y a des lobbies conservateurs qui sont très puissants et qui sont très anti-porno. Et il y a Melissa Gira Grant, je sais pas exactement, qui détaille l'influence de deux groupes en particulier, qui s'appellent Exodus Cry et Share Hope International, qui sont des organisations chrétiennes abolitionnistes, et qui sont essentiellement en guerre sainte hein, contre le porno. Et pas loin, bien entendu, il y a aussi la loi Fosta Sesta. Rappelez-vous, hein, Fosta Sesta, c'est des acronymes imbitables qui voulaient dire Fight Online Sex Trafficking Act et Stop Enabling Sex Trafficker Act. Donc ce truc rend les sites responsables, en gros, de si on trouve dessus quoi que ce soit qui puisse être associé à de loin ou de près à du trafic sexuel, au sens assez large, donc c'est un petit peu compliqué. Et bon, sous les meilleures intentions du monde, hein, puisque la loi était bipartisane à l'époque, elle a été, voilà, autant les démocrates que les républicains ont voté pour, ben ça a quand même conduit à une survigilance et à une autocensure à travers tout Internet, hein, de Craigslist à Instagram. Et il n'est pas étonnant que la frilosité croissante des banques et des intermédiaires de paiement participe un petit peu de la même mouvance quelque part. Et il faut voir que les premiers intéressés, quand même, hein, les travailleurs du sexe, étaient contre cette loi. Hein. Par la voix de l'ACLU, ils l'ont fait savoir. Hein. L'ACLU, c'est American Civil Liberties Union. Bon, ça peut paraître tiré par les cheveux, mais on se retrouve quand même avec des décisions politiques et des influences idéologiques américaines conservatrices qui peuvent influer globalement sur tout Internet. Et ça interroge un peu sur la vraie neutralité du net, hein, si une boîte de paiement américaine peut étouffer du jour au lendemain un site anglais, avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour des milliers de gens, parce qu'OnlyFans, je disais, c'est un complément de revenus ou un job à plein temps pour énormément de monde, qui peuvent se retrouver du jour au lendemain, littéralement, dans certains cas, sur le trottoir, quoi. En tout cas, question confiance, OnlyFans a perdu un max de points avec sa communication calamiteuse. Ouais, moi, ça m'évoque deux réflexions, en fait, ce qui s'est passé autour d'OnlyFans. J'ai quand même du mal à penser qu'il y avait une échéance immédiate et des liens directs entre les services bancaires et ses choix, parce qu'il y a eu ce revirement derrière aussi soudain, qu'il y a eu des nuages noirs autour de développement et de levée de fonds, je peux tout à fait le comprendre, mais je pense pas qu'il y ait eu une échéance de la part des services de paiement qui aurait dit « bon, vous arrêtez le porno, sinon on dégage », parce que je pense pas qu'il y aurait eu de revirement de situation aussi rapide, ou alors c'est qu'ils ont trouvé d'autres services de paiement qui étaient un petit peu moins regardants sur la nature des transactions. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à penser à cet aspect-là. Bon, de toute façon, on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé derrière, je pense. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. L'autre réflexion que ça m'amenait, c'est qu'elle n'est pas tant tech que servicielle ou stratégique. C'est que je pense que pour tous ces créateurs-là, pour tous les créateurs qui sont derrière OnlyFans et qui proposent des divertissements pour le moins sulfureux, je me dis qu'ils basent beaucoup leurs œufs sur ce même panier qu'est OnlyFans, et c'est important d'arriver à trouver d'autres services. Et il n'y a peut-être pas une offre très large en matière de services sur ces aspects-là et qui soit aussi peut-être qualitative entre guillemets que OnlyFans. Non, mais donc, après c'est ça... l'effet boule de neige, tu sais, je veux dire, tu vas là où les gens vont aussi, hein, donc OnlyFans c'est très gros. Oui, bien sûr, c'est la concentration des réseaux, évidemment. Mais il y a des alternatives, mais d'ailleurs elles ont commencé, si tu veux, à moissonner un petit peu ces fameuses alternatives avec la déconfiture d'OnlyFans là, pendant quelques jours. Donc bah oui, la perte de confiance d'OnlyFans va bénéficier à d'autres plateformes émergente, oui, c'est certain. Bon, autre entreprise qui merdoie un peu sur certains aspects, eh ben, c'est Apple, notamment pour, alors d'une part, bon, l'App Store, bon, c'est bien, on va leur donner rapidement un point, au moins pour l'intention, parce que dans leur grande mansuétude, ils autorisent les développeurs à communiquer avec leurs clients qui installent leurs applications. Alors bon, c'est pas si simple, hein, mais grosso modo, un développeur va avoir la possibilité de mettre en place des formulaires qui va lui permettre de contacter les clients finaux pour parler notamment de services de paiement annexes sans passer par l'App Store. Bon, ça sent un peu le régule-moi, mais pas trop vite, le temps que je m'adapte. Et un point pour l'intention, parce qu'à mon avis, il pourrait aller évidemment beaucoup plus loin que ça. Mais il y a aussi un gros souci du côté d'Apple qui commence à être pointé du doigt, c'est la gestion des données privées. Alors vous allez me dire, bah, pourtant Apple est quand même emblématique sur la confidentialité des données privées qu'ils sont amenés à manipuler, sauf s'il s'agit des données des collaborateurs, et c'est directement là un gros problème qui est pointé du doigt, Guillaume. Moi j'ai pas trop regardé cette histoire là en fait. Par contre, j'avais vu l'histoire de l'App Store où il a quand même fallu un procès, hein, quand, c'est un procès de développeurs contre l'App Store à cause du problème qu'ils pouvaient pas communiquer directement avec leurs clients. Finalement ils peuvent, et donc ils ont ils se sont mis d'accord en gros sur une enveloppe de 100 millions qui serait partagé entre développeurs donc voilà, ça c'est plus ou moins acté. Et oui, ils peuvent effectivement donc utiliser les données qu'ils récoltent via leur application pour envoyer des trucs, pour envoyer des messages directs à leurs clients, quoi. Ce qui n'était pas autorisé par Apple, qui veut strictement tout contrôler. Tu sais, le control freaks que c'est, quoi. Et bon, control freaks, apparemment, j'ai l'impression que manifestement, ça se manifeste aussi sur les trucs internes, quoi. Sur les informations, sur les employés. C'est absolument terrible. Les témoignages qui sont remontés du côté de The Verge, de la part de futurs ex-collaborateurs, puisqu'évidemment c'est des procédures aussi qui se mettent en place, hein, mais il y a des gros problèmes en interne chez Apple sur notamment la gestion des comptes. En gros, pour faire simple, Apple est très mauvais pour proposer de manière simple et efficace deux comptes iCloud, un qui pourrait être ton compte privé que tu aurais à titre de consommateur, et un en tant que collaborateur. Et grosso modo, tout est fait de manière plus ou moins subtile pour que tu aies un seul et même identifiant, ce qui amène à des mélanges assez invraisemblables, puisque tu as notamment des échanges de conversations professionnelles via l'application iMessage entre collaborateurs depuis leur compte iCloud personnel, et au point que Apple t'interdit dans les conditions contractuelles en tant que collaborateur de supprimer des messages, même si ce sont des messages personnels, et si tu quittes l'entreprise, tu peux ne pas pouvoir supprimer tes données. Tu as aussi tes documents qui sont amenés très très vite à être stockés sur iCloud, mais sur lesquels la confidentialité des données n'est pas du tout la même que pour les utilisateurs finaux. Et puis il y a tous les process de développement qui sont assez borderline, notamment il racontait ce qui s'est passé autour de Face ID et la collecte des visages qui était un peu abusive là aussi sur des appareils personnels. Donc bon, enseignement des choses, je vous dirais lire un petit peu l'article et le témoignage qui est rapporté sur cette situation et sur laquelle évidemment Apple ne s'est pas exprimé et probablement ne s'exprimera jamais, mais qui soulève quand même des questions quant à leur façon de gérer les collaborateurs en interne et qui n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'ils promettent pour les consommateurs finaux. Dommage. Nul doute là aussi que dans les années à venir, il y a des choses qui vont changer, mais c'est dommage de passer par des scandales pour que ce genre de problème soit résolu. Ou peut-être que ce sera jamais résolu parce qu'évidemment Apple sont des grands psychopathes aussi, c'est Apple possible. Apple qui s'en fout. Parce que c'est Apple et que tant que ça marche, après tout, ça continuera à marcher comme ça. On va plutôt parler maintenant de Tesla avec l'autopilot. Des nouvelles infos sur l'avancement du développement du logiciel qui permet de faire fonctionner l'autopilot Tesla, Guillaume. Ouais, en termes de communication foireuse, je pense qu'Elon Musk, c'est pas mal aussi. Hein, c'est un véritable champion. Parce qu'après avoir clamé sur tous les toits que son autopilot déjà vendu 5 000 $, hein, allait atteindre le niveau 5 de conduite autonome dès la fin de l'année, qu'il était entraîné sur le super ordinateur Dojo qui écrase tous les potes de Google comme ça, qui les bouffe au petit-déj, ben voilà qu'Elon reconnaît que la dernière version, la 9.2, elle est pas géniale. Voilà, le 9.3 sera meilleur, bien entendu. Bon, officiellement, en gros, quand tu parles à des gens sérieux, le FSD, donc le Full Self-Driving, là, il est de niveau 2, et CJ Moore, qui est le directeur du programme Full Self-Driving chez Tesla, dit, je cite, bon, les tweets d'Elon ne correspondent pas à la réalité technique. Voilà. On dirait, tu sais, une maman qui revient sur les propos pas corrects tenus par son fils dans la cour de récré au collège. Voilà, donc si ça correspond pas à la réalité technique, je dirais que ça correspond pas à la réalité tout court, en fait. Et bon, voilà, donc Elon, il a une tweetonite, hein, on est au courant, mais ça n'empêche pas de dire des conneries aussi via d'autres médias. Hein. Par exemple, il a présenté donc au Tesla AI Days le Tesla Bot. Rectification. Il a présenté dans la démo la plus rigolote, finalement. Enfin, c'est malaisante quand même. Ouais, hein, c'est du rigolo malaisant. Ouais, mais moi, ça me fait quand même bien marrer. l'idée, en fait, du TeslaBot, il a présenté, parce qu'en vrai, ce qu'on a vu, c'est un rendu 3D. Et, tenez-vous bien, un mec en combi spandex, noir et blanc, qui danse. C'est quand même qui très dansait fort. Très mal en plus. Enfin, et non, c'était très très mauvais. Et c'était assez malaisant. Alors, c'était pas un 1er avril, hein, donc voilà, je sais pas. Donc, il semble sérieusement dire que, ben, comme ils font des voitures autonomes, non, correction, comme ils essayent de faire des voitures autonomes, il est logique de se lancer dans des robots humanoïdes parce que ben, c'est presque pareil. Donc, correction, non, pas du tout. En vrai, demander à Boston Dynamics, à qui planche dessus depuis 10 ans, c'est pas pareil. Voilà, Tesla, là, touche du doigt la difficulté de monter des niveaux de FSD, hein. C'est encore bien pire avec un robot humanoïde. Surtout que la manière dont Elon le décrit, là, c'est comme une sorte d'ouvrier polyvalent qui pourrait disrupter l'économie tout entière. Ouais, bah, c'est une banalité. Hein. Évidemment que si on avait des robots humanoïdes polyvalents, autonomes et pas super chers, bah, évidemment que ça changerait le game de tout, du travail, de l'économie, de tout. Le truc, c'est qu'on n'en a pas. Alors, je dis pas qu'on n'en aura jamais, je sais pas, mais c'est pas pour l'année prochaine, ni celle d'après. Bon, plus le temps passe, hein, plus j'ai l'impression que l'optimisme pathologique de Musk, ou je sais pas, son ratio délire sur info, grossit. Et son cas s'arrange pas trop, quoi. Moi, sur le papier, au départ, si on met de côté les performances douteuses, de te dire, je veux proposer au monde entier des voitures qui se conduisent toutes seules. Admettons, hein, je veux proposer au monde entier des véhicules qui se conduisent toutes seules, des voitures qui se conduisent toutes seules. Et t'y arrives. Bon, ben, la logique, ce serait effectivement de considérer ça comme étant des robots avec des roues et de te dire, ben, dans quelle mesure est-ce que je peux transposer ce travail pour de la robotique non voiture. Et après tout, franchement, sur le papier, quand tu prends ça dans les grandes lignes et sans la réalité derrière, moi, je trouve ça du sens. Oui, mais c'est un projet sur 10-15 ans. C'est pas un projet pour l'année prochaine. C'est à long terme. Exactement, les échéances sont complètement ubuesques. Et une communication sur le sujet sur laquelle je peux que vous renvoyer, c'est la vidéo de Marcus Brownlee, youtubeur bien connu, qui a pris la parole sur le sujet et qui réagissait. Et je trouvais ça aussi intéressant, qu'il souligne le fait que il trouvait ça aberrant qu'on puisse, il le dit pas avec ses mots bien entendu, aberrant qu'on puisse suivre une telle proposition avec un robot humanoïde qui, par définition, est tout sauf efficace par rapport à des propositions de robotique qu'on pourrait avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que si on voulait vraiment proposer un robot qui sache faire une tâche et qui remplace une tâche à faible valeur ajoutée qui est réalisée par des humains, bah, par définition, il faudrait pas qu'il soit humain, mais qu'il soit d'une morphologie très différente. Je trouve ça intéressant, en tout cas, de voir jusqu'où va aller Elon Musk en matière de communication sur ses propositions et de voir jusqu'où on va le suivre. Mais effectivement, tu as raison, les échéances laissent douter un petit peu du sérieux de ses propos. Effectivement, tu parlais de Boston Dynamics avec les dernières vidéos qui sont sorties. Bon, on les arrête plus, les robots. Hein. Enfin, je pense que tu as vu aussi, hein, ils font un parcours maintenant du combattant. Ils font des saltos arrière synchronisés. Ouais. Ça devient très impressionnant. Ouais, ouais, mais je sais, les robots de Boston Dynamics, ils dansent sur du BTS. Ils font des, donc ils font des chorés. Ils font du parcours. Faut pas oublier que cette séquence de parcours, ça leur demandait 4 mois de boulot ou un truc comme ça. Hein. Bien sûr. Donc, bien sûr. Que bon, ils ont donné des, comment dire, des briques fondamentales de mouvement aux robots. Après, ils les ont laissés s'entraîner en simulation pendant, voilà, des semaines et des semaines. Ils ont tout, voilà, ils ont vérifié que ça allait bien, etc. Bon, ils font des trucs incroyables, les robots de Boston Dynamics, mais c'est aussi un boulot énorme et énormément de temps passé pour chaque petit truc de je veux dire, pour chaque minute de Boston Dynamics, il y a 3 mois de boulot, hein. Donc voilà, faut pas s'affoler non plus. Ça avance, c'est super, c'est très impressionnant. Mais bon, on n'aura pas des majordomes robots d'ici l'année prochaine, et je le déplore. Oui, parce qu'on aimerait tous, effectivement. Mais bon, on malheureusement. Moi, c'est le salto arrière en lui-même qui me fascine, si tu veux. J'imagine bien tout le travail qu'il y a pu y avoir derrière, mais juste de se dire qu'aujourd'hui, quelles que soient les circonstances qui ont amené à ça, de voir des robots de ce poids, a priori, de cette corpulence-là le faire, je trouve ça vraiment impressionnant. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, évidemment. Autre sujet qui laisse à désirer, peut-être, en matière de communication, au moins, c'est le service de suggestion type intelligence artificielle de GitHub. Copilot, Guillaume, dont on a déjà un petit peu parlé, mais c'est pas glorieux. Ouais, c'est la communication de Copilot qui est un peu bizarre. Oui, vous vous souvenez sans doute de ce super outil d'autocomplétion pour les programmeurs. Bon, c'était beau, c'était hype, et on se demandait un petit peu si c'était pas un poil délicat comme domaine, hein, la programmation, pour se laisser trop guider par un algo qui pisse du code sans le comprendre. Parce qu'évidemment, il comprend rien. Bon. Eh ben, il semblerait que ce soit une erreur, hein, de l'utiliser pour le codage du noyau Linux pour la prochaine version de Microsoft Exchange, parce que des chercheurs ont produit pas moins de 1600 programmes avec Copilot sur 89 scénarios, et les résultats n'est pas brillant puisque 40% des programmes contiendra au moins une faille. Et en fait, c'est pas si étonnant puisque le Copilot a été entraîné sur une base de code énorme et très probablement pas sélectionné sur sa qualité, ni même d'ailleurs sur son homogénéité en termes d'époque de code, tu vois, de pratique de codage. Parce qu'évidemment, s'il y a des bugs ou des failles dans le set d'entraînement, il n'y a rien d'étonnant parce qu'il y en a aussi dans le résultat. Et du coup, Copilot, pourquoi pas, mais il faut vraiment pas lui faire, il faut lui faire le moins confiance possible parce qu'il a été entraîné sur des codes qui peuvent être anciens, des codes qui peuvent être un petit peu laxiste, et voilà, donc faut se méfier beaucoup de cet outil, je pense. Puis ça peut même difficilement représenter une aide. Enfin, tu sais, c'est souvent un petit peu comme ça qu'on se rattrape en matière d'algorithme, que ce soit pour les médecins, que ce soit pour la rédaction de textes. On dit oui, non, mais bien sûr, on va pas leur laisser tout faire, mais ça peut être une aide. Ouais, enfin, là, quand même, en matière de code, s'il y a un tel niveau de performance et autant d'erreurs qui sortent, je suis même pas sûr qu'on puisse se fier, même en partie, à ce qui peut être suggéré par Copilot. Du nouveau, du côté des intelligences artificielles chinoises, Guillaume. Alors, je ne sais pas. Enfin, c'est un groupe de news que j'ai trouvé, que j'ai regroupé sous le truc Microsoft. Parce que c'est vrai que ça va pas super fort en ce moment, Microsoft. Hein. Bon, parfois ils le cherchent, hein, comme avec Windows 11. Mais parfois non. C'est juste une suite ininterrompue de hacks, de failles et de soucis, hein, qui peuvent même prendre l'apparence toute bénie d'une petite souris. Imagine, tu as une souris Razer, c'est cool, ça mange pas de pain, une souris Razer, et bien pourtant, c'est une arme fatale pour Windows 10. On dirait pas comme ça, hein. En fait, brancher la souris, ça provoque le téléchargement de Razer Synapse dans l'installeur à les privilèges maximum. Donc, quand tu as l'installeur, tu peux avoir la main, tu sais, pendant l'installation, et donc tu as temporairement le pouvoir, en fait, et pour le garder, il suffit de lancer un PowerShell via l'explorateur de fichiers. D'ailleurs, il suffit de demander d'installer le bordel dans un autre dossier, et donc ça t'ouvre en fait une fenêtre navigateur. Cette fenêtre navigateur, elle te permet en fait de lancer un PowerShell, et ce PowerShell, il a les mêmes privilèges que l'installateur, c'est-à-dire les max. C'est simple, hein, mais donc où ça va se nicher quand même. Et bon, ça c'est rien. Au passage, c'est Windows 10 ou Windows 11, hein, c'est dans les deux cas. D'ailleurs, c'est même dans les deux cas. Et bon, voilà. Et après, ils nous font chier avec les processeurs qui sont pas suffisamment sécurisés. Exactement, j'adore ce genre de truc. Bon, après, tous les cas, ça, c'est rien, parce que ça demande quand même un accès physique au PC et une souris. Bon, c'est fatigant, en gros, hein, mais on peut avoir toutes les données de 3300 client Azure, tout cuit, voilà, en restant dans son lit. Enfin, on pouvait jusqu'à très récemment, puisque Cosmos DB est resté pendant presque 2 ans tout nu sur Internet. Donc presque, hein, il fallait exploiter une faille quand même dans Jupyter, qui est la fonction de visualisation qui était activée par défaut. Mais bon, c'était une faille d'une sévérité incroyable. Et pourtant, Microsoft n'aurait détecté aucune exploitation, donc un coup de chance, ou alors c'est juste que les gens étaient suffisamment prudents, je sais pas. Mais bon, pour conclure sur les malheurs de Microsoft, il y a sur NPR un long article qui revient un petit peu sur la faille donc, de Microsoft Exchange, qui a abouti au pompage massif de milliers et de milliers d'emails, un petit peu partout dans le monde, et ça a ratissé extrêmement large. Donc il y a 2 trucs intéressants dans l'article. Bon, donc c'est que, d'une part, l'exploitation de cette faille a été largement facilitée par une connaissance du terrain, en fait, que les hackers devaient probablement à plein d'autres piratages antérieurs. Parce que le vol de données américaines par les Chinois, à ce niveau, c'est un sport national, hein. Tous n'ont pas fait forcément les gros titres ici en France, mais il y a quand même eu les données de, alors attention, 21,5 millions de personnes qui ont été volées au département des fonctionnaires, 78 millions chez Anthem, une assurance maladie, il y a eu la méga brèche Equifax avec les infos de crédit de 147 millions de gens, et il y a eu aussi un hack massif chez Marriott Starwood, donc la chaîne d'hôtels. Là, c'est 500 millions de données personnelles avec réservation, nom, adresse, passeport, etc. qui ont fuité. Et si on croise tout ça, et bien sûr, les Chinois le font, ben le contre-espionnage estime qu'ils ont des infos personnelles sur 80% des adultes américains. Et bien sûr, ça continue hein, pour choper les 20% qui restent. Et ça sert, en fait. Puisque dans certains piratages d'Exchange, ben les hackers se sont fait passer pour des ingénieurs systèmes des boîtes. Et comment ils les connaissaient, les ingénieurs systèmes des boîtes? C'est pas forcément des données publiques. Donc, en fait, les hacks futurs s'appuient sur les hacks passés. C'est du grand art, hein. C'est logique aussi. Et ça dit aussi que personne n'est à l'abri, parce que même si t'es un petit poisson, t'es pas à l'abri, parce que les données d'un petit poisson, elles peuvent servir à choper un plus gros poisson, qui lui-même peut servir à choper un énorme poisson. Donc, la question subsiste quand même, pourquoi aussi des hacks d'email, mais complets, avec tout le texte et tout, pourquoi ça ratit aussi large? Pourquoi autant de données, en fait? Pourquoi autant d'infos au-delà des infos personnelles ou des métadonnées? Alors, ça paraît être un truc qui va au-delà de l'espionnage. Et d'ailleurs, le Cyber Readiness Institute, donc qui est un institut de cybersécurité, dit que les données pourraient être un matériau brut, en fait. Ces données pourraient être un matériau brut qui pourrait servir à l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle, peut-être dans un premier temps pour le data mining ou le phishing, et plus largement pour compléter aussi l'énorme masse de données sur laquelle le gouvernement chinois a annoncé qu'il comptait pour développer une super IA avant tout le monde. Bon, je sais pas quoi penser de ça, hein. C'est vrai que les Chinois ont officiellement dit qu'ils comptaient être la première puissance mondiale de l'intelligence artificielle, qu'ils comptaient créer une intelligence polyvalente, et qu'ils comptaient sur le super big data pour ça. Bon, ça veut pas dire qu'ils vont y arriver, parce que ça me paraît, voilà, c'est peut-être, il y a des problèmes plus algorithmiques que de l'ordre de nature de données, mais bon, ça les empêche pas d'essayer en fait, hein, et en utilisant peut-être tous les moyens, on va savoir. Ouais, ça reste de la spéculation aussi, mais ça serait finalement assez cohérent et plein de bon sens, et j'imagine que les résultats pourraient être bien plus pertinents qu'un copilot de GitHub, du coup, donc peut-être bien. Je peux comprendre qu'ils aient envie d'aller dans ce sens-là. Bon, on parlait de Windows 11, on rementionnait rapidement le fait qu'il y avait des limitations en matière de sécurité, on remet peut-être rapidement les choses dans leur contexte, Microsoft qui a présenté Windows 11, mais en expliquant que tout le monde n'y aurait pas droit, parce qu'il faut quand même un peu d'exigence matérielle, il faut des processeurs qui soient compatibles, pour des raisons de sécurité. Oui. Moi, je pariais, Guillaume, sur le fait qu'il reviendrait un peu en arrière. Bon, ils m'ont donné un petit embryon de raison, je vais le prendre comme ça, mais le petit embryon de petit embryon, quoi. Ça va pas chercher loin, mais quand même. Bon, on se souvient hein, donc, que tous les processeurs inférieurs à la génération 8 chez Intel ou à Zen 2 chez AMD, eh ben, c'est du caca en cube. Voilà. Et c'est tout. Et Windows 11, il renifle de dégoût devant. Voilà, il les veut pas. Bon, Microsoft, lisant sans doute Numérama, s'est quand même ravisé pour les CPU de 7e génération qui équipent ses propres produits. C'est genre, ah ouais, c'est vrai, on vend encore ces trucs. Donc ils ont fait un gros trou en forme de Surface Studio dans les exigences de Windows 11, et ça se voit pas du tout, hein. Non, pas du tout. C'est pas du tout les exceptions qui sont absolument incohérentes avec la règle de base. C'est très étrange. Ensuite, Microsoft a voulu expliquer pourquoi ils étaient complètement et totalement hors de question d'installer Windows 11 tout neuf hein, sur un CPU de 7e génération, en noyant les gens dans des arguments foireux, des sigles imbitables. Parce que oui, tu comprends, il faut des drivers DCH, et puis nous, on active le VBS par défaut, mais pour avoir le HVCI, par défaut, on a besoin du MBEC dans le CPU, alors, tu vois, sinon ça ruine les perfs. Hein. Et j'invente rien, hein, c'est vraiment ça la raison. Hein. Même le ton des gens est celui-ci. Donc on décode un peu. Déjà, DCH, c'est un format de pilote qui est utilisé dans Windows 10, donc si vous avez Windows 10 et que ça roule, ben, vous en foutez. Ensuite, Microsoft a utilisé des instructions de virtualisation des processeurs modernes hein, pour accélérer l'isolation mémoire des programmes ou de certaines parties sensibles des données. Donc en gros, même si un hacker compromet un programme, c'est pas grave parce que les données lui sont pas accessibles directement. Donc tout ce sandboxing, en quelque sorte, demande du travail supplémentaire au processeur, et les ingénieurs chez Microsoft ont réussi à le rendre quasi neutre au niveau des performances sur des processeurs modernes. Et ça c'est génial, ça c'est cool, hein, chapeau. Mais c'est pas une raison pour requérir un processeur moderne pour autant, parce que d'abord, l'isolation mémoire elle est possible sur Windows 10, elle est juste pas activée par défaut. Ensuite, c'est pas parce que c'est plus rapide sur les bons CPU que c'est pas possible sans, c'est juste plus lent. Et la bonne manière de faire, c'est quoi? Ben, si c'est possible, tu l'actives par défaut. Sinon, tu préviens et tu demandes si tu préfères plus de sécurité ou plus de vitesse. Tu vois, c'est à l'OS de s'adapter aux utilisateurs. Pas l'inverse. Sinon, tu t'appelles Apple. Bon, et puis d'ailleurs, en sous-entendu, ça veut dire quoi? La quasi-totalité des gens qui ont Windows 10 sans intégrité mémoire activée, aujourd'hui, c'est la quasi-totalité des gens. Hein, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont brûler leur PC? Ben non! Bon, enfin, comme autre argument foireux, parce qu'ils ont un autre argument foireux, c'est la stabilité. Ils disent, vous avez 52% de chances supplémentaires de crasher avec un vieux CPU. Alors ouais, ok, mais 1,5 fois une probabilité très faible, ça reste une probabilité très faible. Je sais pas, tu crashes toutes les heures avec ton Windows 10, toi, tous les jours? Non? Ben alors, je sais pas. Peut-être qu'il n'est pas totalement nécessaire de jeter la machine par la fenêtre parce que t'as un vieux processeur. Bon, finalement, alors, évidemment, tu faisais allusion au fait que Microsoft va finalement autoriser les vieux CPU tout pourris à installer Windows 11 quand même, mais il faudra se faire chier. Ah, c'est-à-dire, il est installé manuellement avec l'ISO, comme au bon vieux temps, donc c'est possible. Bon, ok, c'est possible, mais on est puni. Eh oui, parce que c'est possible, oui, mais non, c'est mal. Et Microsoft pourrait te refuser les mises à jour de Windows Update. Ça n'a aucun sens. Soit tu l'autorises, soit tu l'autorises pas, mais tu l'autorises pas en refusant les mises à jour. C'est philosophiquement très, très problématique. C'est très, très problématique, parce que c'est possible ou c'est pas possible. C'est simple. Oui, mais non. Et surtout, tu crées un vivier potentiellement de failles si jamais tu installes une nouvelle version sans mise à jour. C'est absurdissime. Alors, je sais pas si ça va rester comme ça. The Verge. Mais non, The Verge laisse planer le doute. Pour l'instant, la réponse à ce que tu peux avoir Windows 11, c'est oui, mais non, mais si, mais c'est mal, tu peux le faire, mais il faut pas. Ok. Bon. Du coup, tu le feras pas, toi, Guillaume. Tu vois les tailles qu'elle déchoue. Non, bah. Bon, tu te poses même pas pour la question. Pour l'instant, je m'en compte trop fou. Tu m'étonnes. Bon, écoute, on verra ce qui se passe avec Windows 11, mais c'est pas forcément plus glorieux que les premiers problèmes qu'on avait soulevés. Loin de là, on verra ce qui se passe avec Windows 11. Tu verras, ce sera dispo pour tous. Oui. Allez, j'y crois pas en plus. Hot Chips 2021, Guillaume, il était grand temps que tu nous mettes à jour sur l'actu des processeurs et des composants de manière générale. Ouais, en commençant par un petit point pénurie, parce que la pénurie ne s'arrange pas. En fait, Toyota, par exemple, abaisse sa production de 40%. Et en France, il y a quand même deux usines Stellantis qui doivent s'arrêter. Bon, parallèlement, qu'est-ce qui se passe pour TSMC? Ben écoute, ça roule plutôt bien, puisqu'il dépasse les 540 milliards de dollars de valorisation. Et donc, du coup, elle double Tencent, qui lui est en chute libre. Merci Donald Trump, je pense aussi pour ça. Et qui devient donc la première boîte, donc TSMC, hein, la première boîte asiatique, tout secteur confondu. Et ça va sans doute croître encore. La demande est telle qu'elle augmente les prix de 10%. Alors, sur le haut de gamme. Et de 20% sur le reste de la gamme. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais globalement, c'est à peu près cette idée-là. C'est le prix par wafer, hein, donc ça concerne tout le monde. Et en fait, donc ce fric va servir d'une part à investir dans d'autres usines et à croître encore. Rappelez-vous qu'on parle de centaines de milliards d'investissements là. Et puis ça sert aussi à faire le tri, quelque part, hein, puisque la hausse sur le milieu bas de gamme, bah, ça va dissuader certains clients qui pourraient se tourner vers d'autres fondeurs, en Chine par exemple. La Chine qui met les bouchées doubles d'ailleurs au passage. Donc ça fait un petit peu le tri, et bon, ils gardent les clients principaux, et voilà quoi, je pense que ça marche aussi un peu comme ça. Ok, parfait. Écoute, un bel élément d'actualisation aussi qu'on attendait de ton côté pour Intel, puisqu'il y a plusieurs annonces cet été, et puis comme on n'a pas eu l'occasion de t'entendre depuis plusieurs semaines, il faut que tu nous tiennes au courant quand même de leurs différentes annonces. Oui, bah, il y a eu plusieurs événements cet été, des événements vraiment importants au niveau technique, hein, puisqu'on a évoqué brièvement les Tesla AI Days, là, mais il y a aussi eu les Architecture Days même, d'Intel, et puis il y a eu Hot Chips 33 que t'as cité là. Et donc c'est des événements où on a des conférences qui sont très techniques, vraiment très pointues, c'est destiné aux pros en général. Et surtout en ce qui concerne nos chips, pourtant, il y a quand même un intérêt en soi, un petit peu, de voir des machines et des puces qui sont hors du commun, hein, parfois. Et puis ça donne aussi... Mais moi, je suis pas l'info à la source sur ces sujets-là. J'attends fébrilement que tu puisses nous les rendre intelligibles, ouais. Guillaume. Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu... voilà, ça peut paraître très technique, mais ça donne aussi le pouls de l'industrie, tu vois. Ça donne aussi les grandes tendances industrielles. C'est sûr. Et puis, c'est quand même des trucs qui finissent par ruisseler jusqu'au consommateur à un moment donné, tu vois. Donc je pense que c'est important aussi d'en discuter un petit peu ici, hein, mais pour commencer, c'est vrai qu'on va s'attaquer aux annonces Intel, je pense, et qui sont majoritairement assez proches de nous, assez proches du consommateur, quoi, pauvres consommateurs finaux que nous sommes, et après on partira peut-être vers de plus hautes sphères, on va dire, mais c'est vrai que bon, voilà, il y a Intel qui a présenté en gros trois gros trucs, hein. Donc les nouveaux processeurs Alder Lake, soit un accélérateur de gros calculs qui s'appelle Ponte Vecchio, enfin en tout cas dont le nom de code est Ponte Vecchio, et puis donc c'est des réponses aux Tesla de Nvidia, aux cartes Tesla, et bien entendu ces futures cartes graphiques, les fameuses ARC. Donc parlons de ces ARC un petit peu qui ont plusieurs cordes. Donc, c'était facile mais il fallait la faire. Beaucoup trop facile d'ailleurs, j'ai un petit peu honte, mais bon. Donc Intel fait des cartes graphiques depuis 20 ans, hein, donc c'est pas vraiment une nouveauté, une carte graphique Intel bien sûr. Bon, ils ont... Qui n'étaient pas réputées pour être les cartes graphiques de gamers, quoi. Non, c'est des cartes graphiques toutes pourries, mais elles étaient intégrées dans les cartes mères, c'était très pratique, pouvais très bien te passer complètement de cartes externes. Puis ensuite, évidemment, à partir de la Gen 2, des cores, ils ont intégré ça au processeur, et l'architecture n'a pas cessé d'évoluer jusqu'à sortir enfin une carte dédiée, externe. C'était la DG1. Bon, la DG1, elle est impossible à acheter pour le grand public, elle a été utilisée par les OEM. C'était une sorte de coup d'essai, puisque la DG1, c'est une carte passive à 30 watts, donc une carte d'entrée de gamme, mais ça préfigure l'arrivée d'Intel comme concurrent direct, hein, de Radeon et GeForce, avec des cartes dédiées qui seront donc marketées sous le nom de ARC, et la première version, c'est Alchemist. Donc c'est basé sur une architecture XE, bon, elle est donc la même plus ou moins que celle qu'on retrouve dans les tout derniers CPU bien sûr, et pour faire simple, bon, ça ressemble pas mal architecturellement à ce que fait Nvidia, hein. Donc un core XE, ça ressemble à une sorte de multiprocesseur GeForce qui combine à la fois des moteurs vectoriels et matriciels, en plus des cœurs standards, hein, en plus de ces cœurs standards là, Alchemist aura aussi des unités ray tracing, donc au total on a une carte qui est assez polyvalente et qui offre autant de fonctions que les RTX chez Nvidia, et pour le rendu et aussi pour l'upscaling intelligent, puisqu'il y a une réponse au DLSS de Nvidia qui s'appelle le XESS, donc XE Super Scaling ou Super Sampling, je sais pas trop comment ils disent, mais bon c'est exactement la même idée. Donc, parce qu'en fait, les alchimistes peuvent accélérer l'inférence deep learning, donc avec leurs unités matricielles, et le XESS, c'est vraiment analogue du DLSS, mais pour Intel. Donc c'est un réseau de neurones qui reconstruit une image en 4K à partir d'une frame 1080p, disons, hein, et aussi de l'historique des frames, elle prend aussi les frames précédentes en compte. Le résultat, bah écoute, d'après les premières images qu'on a, c'est vraiment bluffant, c'est tout à fait au niveau de la solution de Nvidia, hein. Donc XESS confirme que voilà, il y a une importance, il y a vraiment un usage direct et concret au deep learning pour le gaming, hein, très clairement. Le DLSS l'avait prouvé, XESS enfonce le clou, donc ça veut dire qu'AMD devra s'y mettre à un moment ou à un autre, parce que bon, AMD il a une solution qui est plus simple, plus rapide, mais qui c'est un filtre Lanczos optimisé, hein, ce que fait AMD, donc ça va pas suffire très longtemps si tu veux. Enfin, c'est des qualités qui sont vraiment impressionnantes. Hein, ouais, tu l'avais décrit. Bah, XESS, c'est pareil, si vous voyez la démo, c'est vraiment, voilà, c'est assez bluffant. Donc Alchemist sera une puce, donc qui sera vendue sous la forme d'une carte graphique, full size, quoi. Ce sera une puce gravée par TSMC en N6. C'est prévu pour premier trimestre 2022. Et bon. Toute cette belle puissance de calcul, elle peut aussi servir à la science, bien sûr, puisque voilà, chez Nvidia, vous savez qu'il faut les GeForce, il faut aussi les Tesla pour le calcul scientifique, et c'est pareil chez Intel, puisque les XE, donc ça va être à la base de ARC, mais aussi d'une grosse pupus qui s'appelle Ponte Vecchio, et donc voilà, ARC, c'est la GeForce d'Intel un petit peu, et Ponte Vecchio, c'est un petit peu la Tesla d'Intel. Voilà, c'est plus gros, plus puissant, plus cher. Ponte Vecchio, c'est 100 milliards de transistors, c'est 45 teraflops de puissance, c'est-à-dire presque 4 fois la Xbox Series X. Et c'est destiné dans un premier temps à Aurora. Aurora, c'est le superordinateur à 500 millions de dollars commandé par Argonne Laboratory qui devra dépasser pour la première fois l'hexaflop. Alors c'est quoi un hexaflop ? Un hexaflop, c'est 1000 pétaflops, c'est-à-dire que c'est 1 million de teraflops, soit à une vache près 83 000 Xbox Series X. Voilà. C'est une belle ferme pour faire du crypto. C'est très très à la louche parce que ça dépend de plein de trucs en fait, hein, de ce sur quoi tu calcules et tout. Mais on va dire, voilà, pour donner une grosse idée très très grossière, c'est à peu près ça. Et donc Ponte Vecchio, c'est pas pour nous, hein, pauvres mortels, mais cette super puce a des caractéristiques qui sont quand même très intéressantes de manière générale. Bon, déjà, elle sera à la fois produite par TSMC en 5 nanomètres et par Intel en 7 nanomètres. Et ensuite, c'est un gros Lego en fait. C'est une sorte de gros assemblage de pas moins de 47 modules. Donc 47 modules différents qui sont fabriqués indépendamment sur 5 chaînes de montage différentes. la chaîne de gravures différentes. Donc pour finir, ces blocs sont assemblés, ils sont même assemblés en 3D, donc à la fois les uns à côté des autres, mais aussi les uns sur les autres, avec la technologie qui s'appelle Foveros chez Intel. Donc certains modules en fait sont en dessous ou en dessus, donc les puces Intel en quelque sorte deviennent tridimensionnelles. Et il faut voir que la modularisation des puces c'est extrêmement important, et ça se répand dans toute l'industrie, et il faut bien comprendre, hein, en fait, toutes les puces sont des unités fonctionnelles différentes, tu vois, le calcul, le cache, la gestion mémoire, les entrées-sorties, ce que vous voulez. Mais jusqu'à récemment, tout était gravé sur le même die, c'est-à-dire sur le même bout de silicium. Donc, si vous vouliez plus de fonctions, plus d'unités de calcul, ben, il fallait mettre de plus gros bouts de silicium, quoi, de plus gros die, ou bien attendre que la sainte miniaturisation le fasse son œuvre et vous le permette. Alors, pendant longtemps, en fait, la miniaturisation a été très très rapide, elle a eu un rythme très très soutenu, on parlait de la loi de Moore, voilà, tout le monde connaît la loi de Moore, hein, qui n'est pas une loi du tout, hein. C'est juste que Gordon Moore, qui disait, à son époque, en 65, hein, rappelons-nous, que le nombre de transistors doublait tous les ans, à coût constant. Et plus tard, donc dans les années 80-90, ça a été plutôt tous les deux ans. Bon, aujourd'hui, c'est plus trop ça, hein. Si on a 30% de mieux d'une génération à l'autre, on appelle ça un nouveau process, et c'est pas forcément tous les ans. Ça prend du retard régulièrement, donc c'est voilà. Tout ça pour dire que la miniaturisation gratos tous les ans, c'est fini depuis un bail en fait. C'est de plus en plus dur et de plus en plus cher de miniaturiser les composants. Donc si tu veux des puces plus puissantes et plus sophistiquées, des gros accélérateurs, ben, faut aligner le transistor. Il faut en aligner, et donc faire des grosses puces avec des gros die bien fat. Mais ça c'est très lourdingue en fait, parce que c'est super cher. Au plus une puce est grosse, au moins il y en a sur wafer, parce que le wafer c'est la grosse galette de silicium circulaire, et elle a une taille fixe. Donc au plus une puce est grosse, au plus elle est chère, et au plus il est probable qu'elle ait un défaut. Parce qu'il y a forcément des défauts sur le wafer, il y a forcément des défauts un peu aléatoires. Évidemment, une grosse puce, elle a plus de chances d'en choper un qu'une petite. Et si elle en chope un, ben voilà, il faut la jeter, et comme elle est très chère, on n'aime pas trop. Donc on n'aime pas trop faire des gros die, parce que voilà, c'est... Donc, aujourd'hui, ce qui est en plus, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a plein de morceaux différents sur une puce qui ont des boulots différents, et tous les morceaux n'ont pas forcément besoin d'être gravés au top du top. Parce qu'il y a des trucs qui fonctionnent moins vite, tout simplement, qui n'ont pas forcément besoin d'être miniaturisés à fond. Et donc la réponse à tout ça, bah, c'est la fin de la puce monolithique, tout simplement, c'est la modularisation. Donc ça s'appelle Foveros ou EMIB chez Intel, ça s'appelle CoWoS chez TSMC, c'est l'ère de ce qu'on appelle les chiplets, globalement. Donc une chiplet, bah, c'est une petite chip, t'as les chips et les chiplets. Donc une chiplet, en fait, c'est une sorte de petit chips qui est modulaire et qui peut s'enficher comme ça sur une espèce de gros interposeur qui permet d'interconnecter tous les morceaux. Un chiplet, ça peut être n'importe quoi, c'est un module qui peut être un cœur de calcul, ça peut être une interface réseau, de la logique de contrôle mémoire, ça peut être ce que tu veux en fait. Et donc typiquement, bah, quand on fait un système sur puce, donc un système sur puce, il y a un peu toutes les fonctions sur la même puce, hein, bah, on peut graver les cœurs indépendamment, les cœurs ils doivent être très rapides, tu les fais avec un process super top, très cher, et le reste tu le fais sur un process moins cher, parce que ça suffit, et qu'au final, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on assemble le tout sur donc, ce fameux interposeur ultra rapide, cette fameuse interconnexion ultra rapide. Alors, c'est compliqué à faire, hein, attention, mais c'est quand même moins compliqué et moins coûteux que de faire une énorme puce monolithique, c'est quand même moins cher. Mmh. Il y a moins de défauts, t'as moins de problèmes de rendement, etc. Et c'est comme ça qu'on aligne 100 milliards de transistors. Et dans un contexte de crise des composants comme en ce moment, est-ce que ça se justifie d'autant plus? Ou est-ce que, finalement, l'évolution naturelle? Non, c'est vraiment l'évolution naturelle qui vient du fait que pour mettre 100 milliards de transistors sur une puce, ben, en fait, économiquement, c'est pas viable de le faire autrement qu'avec des modules. T'es pas forcément obligé de faire 47 morceaux, mais comme ils ont fait, mais voilà, c'est plus viable, si tu veux, de faire des puces à 100 milliards de transistors monolithiques, c'est beaucoup trop, voilà, économiquement, c'est difficile, quoi. D'ailleurs, plus près de nous, c'est ce que fait AMD, hein, avec ses chiplets, hein, qui passeront en vertical eux aussi dans les Ryzen 5000. Donc, il va y avoir un énorme cache de niveau 3 de 192 mégaoctets qui sera par-dessus le reste. Donc, chez Intel, il va faire aussi des chiplets, hein, pour les processeurs, mais pour les pros, puisque c'est Sapphire Rapids, donc c'est les futurs Xeon, qui vont utiliser la technologie chiplets, et au passage d'ailleurs ils seront équipés d'un nouveau set d'instructions qui s'appelle AMX. Donc il y avait AVX, hein, vous savez certainement que les processeurs Intel ont l'AVX, donc c'est Advanced Vector Extensions. Et bon, bah, la AMX, bah, c'est Advanced Matrix Extension, c'est pas très original. Donc AMX, en gros, c'est la tentative d'Intel de rester pertinent dans le deep learning avec ses Xeon, puisque globalement, le deep learning, c'est énormément de calculs matriciels et souvent à faible précision. Donc AMX, bah, ça permet de calculer en une passe des matrices de 16 par 16, ce qui est pas mal. Après, ça suffira peut-être pas face à une Tesla, mais bon. Voilà, c'est quand même... j'espère que ça... C'est bon, tout est clair. Bon, on n'a pas parlé des CPU, on va parler des CPU grand public, si vous voulez, aussi. Oui, tout à fait, allons-y. Oui, parce qu'on peut parler aussi quand même des CPU grand public dans les Alder Lake, car Alder Lake, c'est simplement les générations 12, hein, et les Intel de Gen 12, donc les cores, voilà, i5, 12 quelque chose. Bon, il marque quand même donc des évolutions majeures hein, chez Intel, qu'on connaissait déjà plus ou moins. Hein. La première, c'est le passage à une architecture hétérogène, exactement comme chez Apple et ARM, tout simplement, comme chez la concurrence, puisqu'un Alder Lake peut avoir jusqu'à 16 cœurs, sauf que c'est pas les mêmes. En fait, il y en a 8 performants et 8 économes. Donc 8 gros, 8 petits, quelque part. Donc, et ça, c'est un modèle qu'on voit déjà pas mal sur la concurrence. Hein. C'est très très courant chez ARM. Et c'est exactement ce qui se passe dans les derniers cœurs Apple. Alors attention, hein, tous les cœurs sont utilisables en même temps. Hein. Il y a une nouvelle unité dans le processeur, d'ailleurs, qui s'appelle le Thread Director, qui est une sorte de chef d'orchestre, tout simplement. Donc il peut aider le système d'exploitation. Il dispatch. Oui, en fait, il fait du dispatching et il fait du monitoring aussi. Donc il est capable de dire à l'OS quel cœur il pense que c'est mieux pour tel programme, en gros, tu vois. Voilà, il peut aider le système d'exploitation donc à faire les bons ordonnancements pour utiliser les bons cœurs au bon moment pour optimiser la consommation. Bon. C'est le concessionnaire auto un peu. Hein. Il voit le client arriver, lui dit t'as besoin de quoi ? Bah tiens, je te propose tel véhicule, il va plus vite, il est dispo. Quoi. Ouais, bon. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Il voit la tête du client et il dit oh, toi, moi, vous, je vous conseille une Passat. Donc c'est un peu cette idée. Donc typiquement, un truc qui charge des emails en arrière-plan, bah ça sera sur un cœur économe, ouais. Tu vois, alors que le chargement d'une page web ou un jeu, évidemment, hein, ça sera sur un cœur performant. Mais il faut que l'OS soit compatible pour ce genre de truc. Windows 11 le sera, Windows 10 on ne sait pas. C'est pas complètement clair. Alors voilà, ce qui concerne la puissance des cœurs, donc hein, ces fameux cœurs économes, bah ils seront équivalents à des Gen 6 d'Intel, donc voilà, des processeurs déjà anciens, mais pas si pourris que ça. Mais c'est quand même Skylake, c'est pas non plus des poubelles, pas des atomes quoi. Alors que les cœurs puissants, par contre, seront considérablement plus complexes, plus larges, plus lourds, et dans le meilleur des cas, bon, il n'y a pas de chiffre explicite, mais enfin, pour compter sur au moins 2 fois plus rapide. Et donc, voilà, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autres nouveautés? Une autre nouveauté, si j'ose dire, c'est qu'AVX512 vire des cœurs grand public et que l'AMX non plus sera pas présent. Donc, détail marrant, hein, tous les Alder Lake auront 8 cœurs économes, donc des petits. Ce grosso merdo, ce sont pas très chers. Et la différence se fera sur les cœurs performants qui varieront de 2 à 8 selon la gamme. Donc évidemment, on attend les benchmarks, hein, puisque bah, pour savoir exactement ce que ça donne, mais il se murmure déjà que les Gen 12 consomment énormément. En fait, le passage au NNZ Superfine, comme ils disent, n'a pas l'air dément, puisqu'on a vu passer des stress tests poussant des Gen 12 à 250 watts, hein, donc c'est beaucoup, ça fait 50 à 100 watts de plus que la Gen 11, bon, c'est à confirmer. Voilà, pour l'instant, c'est très, très préliminaire. Mais bon, rappelons encore une fois que pour bien rajouter à la confusion et perdre tout le monde, Intel a renommé ses process. Donc les prochaines process d'Intel, ce sera Intel 7 pour les Gen 12. Ensuite viendra Intel 4, Intel 3, et après on passe à ce qu'ils appellent l'ère Angstrom. Donc après. Oui, j'attendais impatiemment que tu puisses nous en parler. Ça ressemble quand même à une vaste fumisterie de communication pour se remettre à niveau. Oui, bah c'est... Bon, là où tu nous avais expliqué que comparer les nanomètres d'un processeur à un autre, c'était n'importe quoi. Pire. Et peut-être que c'est aussi une des manières de jouer face à ça. Oui, parce que avant, on utilisait le nanomètre. Donc on a longtemps dit c'était 12 nanomètres, 14 nanomètres, etc. Bon, après, on s'est dit non, mais les nanomètres, ça n'a plus rien à voir. Donc on va dire que c'est N7, N8, donc c'est devenu des marques. Ça fait longtemps que c'est comme ça déjà, hein, que c'est des marques. Là, Intel 7, c'est pas du 7 nanomètres, c'est Intel 7, voilà, c'est tout. Et Intel 3, pareil. Et là, il passe à Angstrom, qui entretient la confusion, parce qu'en fait, Angstrom, c'est l'unité qui est derrière le nanomètre, hein, qui est dessous le nanomètre, qui est plus petite. Et donc, ils utilisent 20A pour le process d'Intel, qui sera après le Intel 3. Mais c'est pas parce que c'est du 20A que ça fera 20 Angstrom. Certainement pas, en fait. Pas du tout. Donc, 20A, c'est pour 2024, hein, si tout va bien, bien entendu. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'entre chaque process, donc Intel 7, Intel 4, Intel 3, on a entre 10 et 20% de mieux. C'est tout. Bon, c'est bien, hein, mais c'est pas forcément incroyable, et c'est pas forcément de la miniaturisation pure non plus. C'est peut-être aussi juste de l'ingénierie, c'est-à-dire le passage au Ribbon Fett, par exemple, comme ils l'appellent, ça sera pour les Rangström. Et ça, Ribbon Fight, globalement, c'est un petit peu ce que j'évoquais pour TSMC IBM il y a quelques temps. Là, c'est les transistors en nanofil. Et des composants qui sont beaucoup plus pensés en volume, c'est-à-dire enfin en couches. Donc des composants qui sont vraiment multicouches, quoi. Bon, c'est pas facile à faire. Hein. D'ailleurs, Samsung et TSMC sont en train de se galérer grave avec leurs N3 respectifs, qui utilisent du GAA, ce qui ressemble beaucoup en fait à des nanofils ou des nanotrucs là. Bon, ils ont beaucoup de mal. D'ailleurs, il va y avoir du retard chez TSMC pour ça, donc c'est, voilà, c'est pas gagné. C'est le programme, on va dire. Ok, est-ce qu'on a d'autres choses sur les processeurs, les composants que tu voulais relayer ? Oui, ben beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup trop, peut-être. Non, mais il y a énormément de choses intéressantes, en fait. Hein. La miniaturisation des composants, c'est de plus en plus compliqué, de plus en plus cher, de plus en plus long, et pourtant, le besoin en capacité de calcul, lui, il explose littéralement. Bon, un exemple simple, la vidéo, par exemple. On en consomme de plus en plus, on en produit toujours plus, et elles sont toujours plus grosses. Enfin, je veux dire, 1080p, 4K, 8K, HDR, 360 VR, tout ce que tu veux. Bon, il faut compresser efficacement tout ça, et ça, c'est pas gratos. Souvenez-vous de l'époque du 1080p, tout était plus simple. On compressait ça sur des Blu-ray en H264, qu'on appelait aussi AVC. C'était bien, mais c'était un peu juste pour la 4K, le AVC, donc on a fait mieux avec le VP9, par exemple, qui est 40% plus efficace, et ça, c'est super. Le problème, c'est qu'il est 10 fois plus gourmand en calcul, le VP9. Mais c'est pas fini, on stream tout ça, on aimerait avoir encore mieux, compresser encore plus, sans compter les, voilà, comme je disais, la 8K qui arrive et tout. Et ça tombe bien, on a mieux, on a des algorithmes bien meilleurs. Le AV1, c'est bien meilleur encore, que c'est une fois et demie meilleur quasiment que VP9, AV1. Mais AV1, c'est 200 fois plus de calcul que AVC. Et de 2004 à aujourd'hui, on a augmenté de 200 fois le besoin de calcul, rien que pour les algos. Mais le volume n'a rien à voir. Parce qu'entre du 1080p, 24 images secondes sur du Blu-ray, hein, typiquement, et du 8K 60 Hz, c'est 8000 fois plus de calcul que ça représente. D'où le besoin d'accélérateurs spécifiques, en tout cas au moins pour les acteurs industriels, comme Google, hein, qui a un boulot qui est hallucinant avec YouTube. Et c'est ça donc qui motive par exemple Google à faire des accélérateurs donc spécifiques, qui s'appellent les VCU. Donc ça représente comme des cartes graphiques, mais c'est que des compresseurs vidéo. Donc en fait, c'est VCU, c'est Video Compressing Unit, hein, tout simplement. Et donc en gros, c'est comme QuickSync, que tout le monde a sur, enfin plus ou moins tout le monde a sur les processeurs, en tout cas Intel, mais en énorme, voilà, sous la forme d'une carte PCI avec 10 encodeurs et 3 décodeurs par carte. Et ce truc-là est aussi efficace que 5 serveurs Xeon et consomme beaucoup moins d'énergie. Bon, il y a un autre secteur qui est très peu connu, en fait, hein, qu'on n'imagine pas trop, où les accélérateurs fleurissent et où c'est très important, c'est le support d'infrastructure dans les data centers. Ça, c'est un peu, comment dire, c'est pas très grand public, mais aujourd'hui, tous les data centers sont des clusters de machines, des clusters de processeurs qui exécutent des applications qui sont toutes containerisées. Donc en fait, les serveurs sont virtuels, et ils sont gérés sur le matériel, sur le bare metal, comme on dit, par des hyperviseurs. Bon, c'est extrêmement pratique, évidemment, hein, puisque les serveurs sont isolés les uns des autres, donc c'est plus sécur. Ils peuvent être figés, sauvegardés, migrés, déployés à grande échelle facilement, dupliqués, tout ce que tu veux, c'est génial. C'est bien, mais ça suppose aussi du boulot pour les processeurs réels qui sont dessous. Tout est virtuel. Hein. Donc, par exemple, chaque machine virtuelle possède un switch virtuel. Ils peuvent faire des sous-réseaux virtuels, etc., des entrées-sorties. Les entrées-sorties peuvent se faire en local du point de vue de la machine virtuelle, mais en fait, en vrai, c'est sur une autre machine, sur un autre disque quelque part ailleurs. Mais toute cette gestion de l'infrastructure, elle n'est pas gratuite, en fait. Hein. Et Nvidia va même jusqu'à dire qu'un tiers des cœurs serveurs sont pris par la gestion de l'infrastructure. Et pour les libérer, ben, on a désormais des accélérateurs aussi. Donc chez Nvidia, ils appellent ça les DPU, c'est la ligne Bluefield, et chez Intel, c'est nouveau, ils ont des accélérateurs qu'ils appellent eux des IPU, pour Infrastructure Processing Unit, et les IPU en fait s'occupent de l'intendance quelque part, pour les CPU, les GPU, les disques réseau, voilà, qui peuvent bosser tranquille, quoi, eux ils s'occupent de l'intendance du petit, on va dire, voilà, des basses besognes. Donc on peut avoir du coup plus de cœurs, voilà, des cœurs plus rapides, pour libérer les cœurs, pour avoir plus de cœurs disponibles pour le vrai travail, ben on rajoute des puces auxiliaires qui sont parfois spécialisées un petit peu partout. Et parfois c'est très spécifique. D'ailleurs, je pense par exemple à Anton. Anton, c'est un super ordinateur qui est bourré de puces ultra spécialisées qui ne fait que de la dynamique moléculaire. Donc c'est un ordinateur qui fait de la chimie, il fait que de la chimie. parce que la chimie, c'est ultra gourmand en calcul aussi. Parce que ça, on modélise des molécules qui sont de plus en plus grosses, et c'est super compliqué, évidemment. Donc voilà, il n'y a pas que le machine learning dans la vie, hein. Il y a aussi la chimie qui demande énormément de calcul, même si voilà, le machine learning, évidemment, c'est la star en ce qui concerne les besoins de calcul du moment, évidemment. On peut continuer là-dessus, d'ailleurs, si tu veux, pour conclure cette rubrique super ordinateur, on va dire. Je pense qu'on ne peut pas éviter le sujet de machine learning, évidemment. Donc, c'est assez évident qu'il stimule énormément la demande en calcul. Et là, c'est encore pire, en fait. Hein, parce que voilà, des accélérateurs pour le machine learning, tout le monde en fait. Tout le monde. Il y a Nvidia, Google, Tesla, avec les fameux Dojo, mais aussi Apple. Il y a Samsung, Qualcomm, Huawei, Intel. Mais aussi Graphcore, Cerebras, Samba Nova. On va pas tous les détailler, on peut pas tous les détailler. Mais bon, disons seulement que pour aller vite, faire du machine learning, ça revient à faire beaucoup de calculs matriciels, avec une précision faible en général, et donc rajouter une unité de calcul matriciel qui fonctionne en précision 16 ou 8 bits, en fait c'est pas très compliqué, et tout le monde le fait, ou le fera bientôt. Voilà. Donc toutes les puces pourront accélérer plus ou moins des modèles de machine learning, au moins en inférence, soit déjà maintenant dans les téléphones, ça se fait déjà beaucoup, soit très bientôt, même dans les ordinateurs, tout ce que tu veux. Ça, c'est pour les consommateurs, et ça, c'est clair que ça, c'est ce qui va passer très très bientôt. Par contre, du côté industriel, du côté de ceux qui font les modèles, du côté de ceux qui entraînent les modèles, c'est très différent. Ils ont des besoins qui deviennent complètement gargantuesques. Et donc, il y a des boîtes spécialisées qui vont plus loin pour les pros. Donc, pour les chercheurs, donc, hein, pour les industriels qui créent les modèles, il faut faire beaucoup plus de recherches pour accélérer vraiment bien les phases d'apprentissage. Il faut même carrément retourner aux fondamentaux, et ça c'est plus compliqué et plus ambitieux. Parce qu'en fait, un calcul, ça se fait forcément sur des données, et donc l'accès aux données est aussi important que la vitesse d'exécution du code, en fait. Parce qu'en gros, un ordinateur classique, c'est un processeur et une mémoire, et ils sont séparés, ces deux trucs, hein. Ils sont assez loin l'un de l'autre, finalement. Parce que le CPU, il n'a pas beaucoup de mémoire à lui, interne, il a ses registres, mais c'est tout petit. Et la mémoire, elle est grosse, mais elle est loin, et les données mettent du temps à arriver. Donc le but, ça va être de voir, pour faire des accélérateurs efficaces, comment assembler les unités calculatoires et les bouts de mémoire pour être le plus efficace possible pour le deep learning, mais pas seulement. Donc, en gros, si j'essaie de le dire avec ma compréhension et mes mots, on a la bouche qui est encore trop éloignée du système digestif et on voudrait rapprocher les deux ou en tout cas faire en sorte qu'ils travaillent plus rapidement l'un avec l'autre. Oui, tout à fait. Et on veut effectivement essayer de casser ces... et puis aussi d'éviter des allers-retours parce qu'évidemment, voilà, tu vois, tu écris dans le mémoire. Sinon, tu vomis. Éviter les allers-retours qui sont pas forcément, qui consomment de l'énergie, bien entendu, hein, parce que tout ça, ça consomme de l'énergie. Un accès mémoire, ça consomme de l'énergie. Tu écris dans la mémoire, tu lis dans la mémoire, tout ça c'est de l'énergie, et donc du coup les allers-retours ça consomme de l'énergie, donc ça chauffe, ça fait perdre du temps, etc. etc. Et il y a ça, et puis il y a aussi le fait que voilà, il faut essayer d'assembler de faire les calculs les plus efficaces possibles. Donc effectivement la première tendance, là il y a quand même des tendances qui se dessinent clairement, et la première tendance c'est de rapprocher la mémoire des unités de calcul. Donc on n'a plus un gros bloc d'un côté et un gros CPU de l'autre, en fait on a plein d'unités qui ont une mémoire à eux, une petite, pas très très grosse, mais quand même une mémoire à eux significative, et qui travaillent sur leur truc pour minimiser finalement ces allers-retours. Et la deuxième tendance, c'est de créer des puces qui soient plus flexibles et dans lesquelles on peut avoir des chemins de calcul qui correspondent à des formules différentes. C'est Graphcore, par exemple, qui fait ça. Graphcore, il fait des puces avec presque 1 gigaoctet de mémoire on-die. C'est quand même très gros, et chaque unité a 624 kilooctets de mémoire à elle, qu'elle utilise à loisir. C'est pas du cache, hein, elle l'accède directement. Et chaque unité est en fait un assemblage d'opérateurs qui exécutent un graphe de calcul. Donc paradoxalement, et bon, ça peut vous paraître assez ésotérique, mais en fait, paradoxalement, Graphcore reste assez light et généraliste dans son approche, puisque finalement, les plus hardcore en la matière, c'est Cerebras, dont les machines, j'oserais dire, défient l'imagination. Je sais que ça paraît extrêmement publicitaire, mais en fait, je pèse mes mots, puisque, bon, jugez vous-même, hein, le CS2 de Cerebras, c'est un processeur qui possède pas moins de 850 000 cœurs, et qui embarque pas moins de 40 gigaoctets de mémoire on-die. Et qui représente 2600 milliards de transistors. Et c'est une puce qui a la taille d'une assiette, et pas d'une assiette à dessert, hein, une assiette. Donc en gros, Cerebras, ça fait un wafer entier, hein, tout simplement. Donc je te laisse imaginer le prix de ce truc. Et une machine Cerebras, en fait, c'est un petit frigo, hein, qui coûte des millions et des millions, évidemment, hein, qui consomme seulement 14 kilowatts, ce qui est quand même remarquable, puisqu'il remplace, en gros, un petit hangar de serveur. Et c'est un truc qui avale une matrice de 100 000 par 100 000 par cycle, en rigolant. Bon, cela dit, ça paraît énorme, Mais ce monstre, en fait, il est petit joueur face au modèle moderne. Parce qu'en 2 ans, ça allait très très vite, hein, les modèles sont devenus 1000 fois plus complexes. Et cette approche qui est super métal, hein, de Cerebras, même en passant aux 7 nanomètres de TSMC, ben, ils n'arrivent pas à suivre. Il faut rappeler quand même que GPT-3, c'est 1024 cartes graphiques au boulot pendant 4 mois pour l'entraîner, pour une phase d'entraînement. Pas juste pas pour mise au point, mettre au point le modèle, hein, pour l'entraînement. C'est pour ça qu'au Chips 33, ben, Cerebras a présenté donc, des évolutions à son truc, hein, pour suivre, suivre cette tendance. Ils ont présenté un module qui s'appelle Memory X. En Memory X, en fait, c'est un mini-frigo que tu branches à ton petit frigo et qui sert de grosse mémoire d'appoint. Quand je dis grosse, c'est de 4 Tera à 2 pétaoctets quand même. Hein. Et ce truc stream les poids pour le Cerebras. Fait intelligemment, en fait, les temps de transfert sont masqués en pipelinant les calculs. Bon. En tout cas, ça permet de connecter aussi le Memory X à d'autres Cerebras, et donc tu peux avoir une petite ferme de Cerebras. Ce qui veut dire que tu peux aller jusqu'à, tiens-toi bien, 163 millions de cœurs considérés comme un seul système, et qui peuvent travailler sur un seul modèle, et ils prévoient des modèles qui dépassent allègrement les 1000 milliards de poids. C'est des modèles qui sont au coin de la rue, hein, puisque GPT-3, c'est déjà, je sais plus combien, 150 millions, un truc comme ça, donc... Vous inquiétez pas, ça vient. Donc, Memory X permet d'optimiser aussi pour les matrices creuses, d'ailleurs. Donc, bref, on pourrait continuer toute la journée comme ça, mais je dirais juste qu'on est entré dans une époque vraiment excitante quand même, parce que on voit le retour des super machines spécialisées, éventuellement des super machines spéciales, en tout cas. Tu sais, dans les années 80, je sais pas si tu te souviens, mais les super ordinateurs faisaient rêver un petit peu. Hein. Il y avait les Connection Machine, il y avait le Cray 2, tu sais, c'était l'ordinateur en arc de cercle, qui avait, avec son refroidissement par immersion liquide. C'est des machines qui étaient pas si grosses en fait, hein, mais qui étaient totalement différentes de nous ce qu'on avait chez nous. Et puis bon, voilà. Mmh. Après, ça a été fini. Et puis ça a été l'ère des super ordinateurs un petit peu ennuyeux, puisque en fait, on a juste multiplié les CPU. Donc un super ordinateur, c'était juste des racks et des racks de CPU. C'était les mêmes que tu avais sur ton bureau, mais il y en avait juste beaucoup. Et là, on revoit arriver des machines différentes, en fait, des machines innovantes, tu vois, qui changent, qui c'est bouillonnant avec voilà, la demande pour le deep learning en particulier, mais pas seulement. Tu vois énormément de recherches sur des nouvelles puces, et voilà, c'est quand même assez passionnant, je trouve. Ouais, c'est plus que simplement mettre côte à côte des trucs qui fonctionnent bien, c'est vraiment, aussi revoir la façon dont ça sort. Un truc comme Cerebras, un truc aussi démesuré que Cerebras, ça aurait pas pu exister s'il n'y avait pas une demande majeure pour le deep learning, s'il n'y avait pas un besoin vraiment spécifique. Ouais, non, mais comme quoi, il y a effectivement une grosse demande sur le sujet et ça change les paradigmes, et tant mieux, effectivement, s'il y a des évolutions sur l'architecture, ça nous fait plus de choses à observer en matière de construction comme ça et d'architecture. C'est cool. Merci beaucoup pour cette revue. J'avais vu passer les Angstrom à l'époque et je m'étais dit que tôt ou tard, on en parlerait dans ta café. C'est fait. On va parler de jeux vidéo pour conclure cet épisode parce que Netflix, ça s'est précipité un petit peu. On avait parlé de Netflix Gaming. Ça y est, c'est dispo. Enfin, sur Android, en tout cas, Guillaume. Oui, c'est vite. Hein. Netflix Gaming, c'est pas du tout un concurrent au Game Pass, hein, vous inquiétez pas. Ni même à Luna, puisque, en fait, Netflix Gaming ne veut pas du tout être le Netflix du jeu vidéo. Il veut pas être le Netflix du jeu vidéo parce qu'il est déjà le Netflix tout court, hein, donc il s'en fout. Non, en fait, Netflix Gaming, c'est juste, vous êtes abonné à Netflix, vous avez droit à des jeux mobiles que vous pouvez télécharger directement via l'app Netflix. Pour l'instant, c'est disponible que sur Android. A priori, bon, ça va peut-être aller sur iOS, mais pour l'instant, on n'a pas d'infos. Et c'est déjà, en fait, actif en Pologne. Bon, allez savoir pourquoi. Où on peut avoir les jeux Stranger Things, par exemple, gratuitement, si on est abonné à Netflix. Alors, est-ce qu'on peut espérer d'autres choses pour Netflix Gaming que des jeux mobiles? La réponse, oui. Peut-être pas. On peut l'espérer, mais c'est pas forcément, ça va pas forcément arriver, parce que Netflix a quand même engagé Mike Verdew pour prendre la tête de la gaming team. Et en fait, c'est un mec qui est passé chez EA et chez Zynga et qui était plutôt spécialisé dans le jeu mobile. Donc, il est pas impossible qu'on reste sur le jeu mobile pendant un petit moment, quoi. Oui, donc finalement, c'est quand même une grosse déception si on en attendait beaucoup, mais c'est quand même des rumeurs qui accouchent d'une souris, cette histoire. Ça dépend de ce que tu en attendais, ouais, effectivement. Mais bon, après, ça va évoluer. Attention, il n'y aura pas que des petits trucs en 2D, parce que bon, ils sont cool, les jeux Stranger Things, c'est des petits jeux 2D, tu vois, qui ne sont pas non plus incroyables. Mais il y aura peut-être des trucs plus ambitieux dans le futur. C'est tout à fait possible. Ils ont tellement de licences, je pense qu'ils vont faire beaucoup de jeux sur leur licence, quoi, tout simplement. Et puis voilà. Et c'est malin, après tout, commercialement, ça a beaucoup de sens. Allez, un petit coup d'info autour retour d'une nouvelle PlayStation 5, Guillaume. Bon, calmez vos ardeurs, hein. C'est simplement une évolution dans la PlayStation 5 qui est livrée, qui a des composants revus et donc qui perd du poids, mais... Problème, Guillaume, je ferai plus. Non, alors c'est pas. C'est, ben alors justement, donc elle a des composants revus, oui et non. C'est-à-dire, ça dépend si tu considères que le radiateur est un composant, mais si bon, c'est un composant pas au sens informatique, mais un des composants de la console. C'est ce que je voulais dire. Une pièce, ouais, exactement. Bon, en fait, oui, c'est le même composant électronique, mais il y a des pièces qui changent, et en particulier, en fait, un ventilateur. Il y a voilà, il y a le vent, il y a le système de refroidissement globalement, quoi. Donc il y a le ventilateur qui est plus gros et le machin, le. Le radiateur qui est plus petit. Il est notablement plus petit puisqu'il perd quand même 300 grammes dans l'affaire. Enfin, en tout cas. Hey, quand même, hein. La console perd 300 grammes et c'est principalement à cause du, d'un radiateur plus petit. Et en fait, donc, un YouTuber qui a désossé la nouvelle console a mesuré la température de l'air qui sort de la nouvelle machine et il a trouvé qu'il était 5 degrés plus chaud que l'air qui sort de l'ancienne machine. Il en a conclu que... Si ça se confirme, c'est pas neutre, 5 degrés, quand même. Oui, oui, mais non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est beaucoup moins simple que ce qu'on imagine. Je pense pas qu'il faille s'exciter plus que ça. Parce que c'est pas sûr que les composants soient plus chauds. Ce qui est plus chaud, c'est l'air. Donc ça veut dire qu'en fait, l'air qui sort de la machine, il est plus chaud. Mais ça veut dire que selon le flux d'air... Et donc, peut-être même qu'elle est plus efficace, en fait. C'est tout à fait possible, parce qu'en réalité, c'est un problème de flux d'air. C'est-à-dire que globalement, au plus le flux d'air qui passe enlève de chaleur, de quantité de chaleur, ben, au mieux les composants sont refroidis. Mais donc, ça veut dire que, en gros, ça dépend de la vitesse de l'air et ça seulement de la température de l'air. Ça dépend du volume d'air qui passe par unité de temps devant le composant, de sa capacité d'extraction, tu vois. Donc, en gros, il n'est pas impossible que les composants aient exactement la même température. Il n'a pas mesuré la température des composants. Il faudra mesurer la température des composants, de tous les composants, c'est-à-dire du système sur puce, des SSD, de la mémoire. Et c'est là, on pourrait savoir effectivement si, oui ou non, c'est plus efficace. Enfin, en tout cas, c'est plus efficace. C'est au moins, disons, s'ils sont à la même température qu'avant, pour savoir si le système de refroidissement est plus efficace. Étant donné que le ventilateur a aussi changé, il est probable que les flux d'air aient aussi changé, et donc si les flux d'air changent, il n'est pas exclu que avec 300 grammes de moins, ça se refroidit pareil. Sauf que évidemment, c'est beaucoup moins cher à produire parce que le métal brut, ça coûte quand même, hein, donc ça coûte dans le prix d'une PlayStation 5, et donc c'est très important pour Sony, évidemment, que ce soit le moins cher possible à produire ces machines. Mais enfin, c'est aussi important pour Sony que les machines ne s'auto-détruisent pas au bout d'un an, quoi. Donc je pense qu'ils ont quand même fait gaffe. Donc, ça me paraît. Donc, c'est pas sûr, hein, parce que moi non plus, j'ai pas mesuré la température des composants. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est prématuré de penser que les nouvelles PlayStation 5 sont moins bien refroidies que les anciennes. Oui, je comprends. Il faut plus de mesures. Bon, ce serait quand même de toute façon bizarre philosophiquement, sur le fond, stratégiquement, plutôt que Sony propose une évolution de la PlayStation 5 qui soit j'ose moins efficace en matière de refroidissement. Ils avaient les mesures, eux. Oui, c'est clair, oui. Bon, on va leur faire confiance. Une petite section, une petite rubrique, un clin d'œil VR, Guillaume. Ouais, ça y est, bah écoute, tu sais que quand ils ont fait la démo du Quest, ils ont utilisé le fait qu'on pouvait, par exemple, faire du laser tag, tu sais, des trucs avec parfois des setups qui étaient un petit peu compliqués, hein, avec, voilà, comme on pourrait voir dans les trucs professionnels, mais pour le grand public. Et ben, c'est enfin arrivé, en fait, avec la version DX de Space Pirate, qui devient un jeu de laser tag que tu peux jouer sur une surface de 10 mètres par 10 avec quelqu'un d'autre. Et donc, évidemment, ça peut être un espace vide, mais quand tu mets ton casque, ben, évidemment, c'est un labyrinthe, et tu peux donc, ben, tout simplement jouer au vrai laser tag, mais avec un pote, comme ça. C'était une promesse qui serait et qui est plutôt cool, en fait, pour Oculus Quest 2. Bon, ça peut... Le 1 aussi, a priori. Peut-être, hein. Le 1 aussi, oui, c'est tout à fait possible que ce soit... D'après Ars Technica, c'est vraiment si tu possèdes n'importe lequel des Quest VR. Tout à fait. Et donc, ça peut être sympa si, voilà, pour faire un petit break, après une réu VR, puisque tu as vu Workrooms... Évidemment. Alors, ça te dit, tu penses que ça y est, le métaverse est arrivé? C'est très compliqué, hein. On en a parlé un petit peu cet été de ce sujet qui est entre buzzword sulfureux et complètement abusif, et en même temps direction logique de l'évolution de ce que pourrait être Facebook en s'appuyant sur la VR, et surtout en pleine cohérence avec Oculus. Bon, est-ce que ça va arriver dans les réunions de cette année ou à beaucoup plus long terme? Je ne sais pas, je vois pas la démocratisation arriver quand même du jour au lendemain. Mais bon, Qu'est-ce que t'en penses, toi, Guillaume? C'est pas trop mal foutu, en vrai, parce qu'ils essayent vraiment de rendre ça le plus naturel possible, puisque tu es localisé dans l'espace, tes mimiques, et tu vois, et ta, la position de la tête, tout ça, c'est plutôt bien foutu. Après, bon, ça demande quand même un casque, un compte Facebook. Je sais pas. Moi, je pense que pour le télétravail, ça pourrait être pas mal. Mais ce qui m'énerve, si tu veux, c'est que c'est Facebook, quoi. Voilà, c'est tout. C'est que ce soit pas quelque chose. Non, mais voilà, ça devrait être quelque chose d'universel, quoi, et pas réservé à l'Oculus Quest, quoi. Ça m'énerve profondément. Mais bon. Bien sûr, bon, ça c'est une philosophie là encore de la boîte, de l'entreprise et de la direction qui est prise sur laquelle il y aurait matière à dire, mais on a déjà abordé un petit peu le sujet, on continuera à le faire évidemment sur l'ouverture des plateformes, les initiatives de Facebook, on en reparlera. Merci infiniment Guillaume d'avoir préparé cette émission, d'être de retour pour toutes les semaines, là ça y est, pour cette nouvelle saison de Tech Café. Il est plus que jamais temps que vous veniez déposer votre avis sur les applications de podcast pour nous dire à quel point vous aimez Tech Café. Continuez à réagir sur techcafé.fr, venez discuter entre vous et avec nous sur Discord, c'est évidemment avec un immense plaisir qu'on continue à échanger avec vous et qu'on lira vos remarques peut-être sur Tumult, sur l'application de podcast. Guillaume, en attendant, où est-ce tout simplement qu'on peut te retrouver sur Internet? Est-ce qu'enfin, à cette rentrée 2021 de cette nouvelle saison de podcast Tech Café, est-ce qu'on peut te retrouver personnellement sur Internet? Sur OnlyFans? Non, pas du tout, non. Non, mais dans Workrooms, VR de Facebook. Bah, non, quand Facebook arrêtera de demander explicitement d'avoir un compte Facebook pour utiliser son Oculus Quest, eh bien peut-être que j'achèterai un Oculus Quest. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. On le rappelle, c'était pas le cas au départ. Mais de toute façon, ça a l'air de devenir. Mais non, t'as vu que tu peux plus utiliser Instagram si tu donnes pas ta date de naissance. Oui, alors je me demande s'il n'y a quand même pas des raisons législatives qui font que les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans aussi, dans plein de pays. Je pense qu'il y a cet aspect-là des choses. Et d'ailleurs que beaucoup de personnes ne donnent pas l'info. Oui, ils ne donnent pas l'info correctement. Et justement, ils ont des algorithmes, probablement des algorithmes de deep learning, qui recoupent ce que tu fais et qui estiment ton âge. Et si tu donnes un âge qui est complètement débile, il le saura. C'est extraordinaire. Si tu dis que t'es un passionné de Goldorak et Dragon Ball Z et que t'as 16 ans, c'est louche. Quoi. C'est louche, même si je suis sûr qu'il y en a. Oh, ça, absolument. Merci beaucoup, Guillaume, en tout cas, pour cet épisode. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Vous pouvez me retrouver aussi dans une nouvelle saison de ReLive qui va reprendre avec mon ami Matt, alias Prof du Web. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.